13. Impertinence de Félicie. Il y avait 2 heures qu'on était à table. Les enfants n'avaient plus faim. Ils étaient fatigués de rester assis. La mère Robillard les fit sortir et les mena à la table où était préparé le dessert réservé pour les enfants du château. Là, ils recommencèrent à manger gâteaux, noisettes, fruits, macarons, sucre d'orge et autres gourmandises, toujours fort appréciées des enfants. Le petit Germain avait bien envie d'approcher, mais il n'osait pas. « Germain, Germain !» s'écria Anne. « Viens manger avec nous de très bonnes choses !» Germain accepta l'invitation avec joie. D'autres petites têtes se montrèrent et reçurent le même accueil, de sorte qu'en peu d'instants, on entendit partir de ce coin des rires, des cris de joie, des conversations animées. La mère Robillard y amena aussi Félicie et les petits Castelceau. Ils regardèrent avec dédain. « Un joli dessert !» dit Félicie. « De vieux gâteaux au beurre rance. » Laurent, « Pas du tout, ils sont excellents et tout frais. » Félicie, « Tu trouves tout bon, toi. Pourvu que tu manges, tu es content. » Laurent, « Et toi, tu trouves tout mauvais. Moi, je suis toujours content. Toi, tu es toujours grognon. » Anne, « Veux-tu goûter des sucres d'orge? Ils sont très bons. » Félicie, « Fie donc, c'est commun, des sucres d'orge. Tous les gamins de Paris en mangent toute la journée. » Laurent, « C'est qu'ils ont bon goût. Ils aiment les bonnes choses. » Félicie, examinant chaque assiettée. « Et tout cela est sale, tout le monde y a touché. On voit la trace des doigts. » Laurent. « Et avec quoi veux-tu qu'on y touche? Avec les pieds? Avec les dents ?» Félicie, vexée. « Comme c'est bête ce que tu dis !» Tous les enfants riaient aux dépens de Félicie. Ils admiraient beaucoup les ripostes de Laurent et se réjouissaient de son esprit qui leur semblait supérieur à tout ce qu'ils avaient entendu. Félicie. « Tu es en bonne compagnie avec tous ces petits imbéciles qui t'admirent et qui rient sans savoir pourquoi. » Laurent. « Si fait, si fait. Ils savent bien pourquoi, parce que je te colle et que tu n'as rien à me répondre. N'est-ce pas, mes amis ?» Un rire général, mais étouffé, fut la réponse qu'obtint Laurent. « Félicie, je te fais mon compliment de ton succès. C'est tout à fait ridicule. » Laurent. « Vois comme je me contente de peu. « Je suis très content de faire rire mes amis, et je ne me trouve pas ridicule. Bien mieux, c'est toi que je trouve ridicule, et même sans esprit. » Félicie, avec colère, « Tais-toi, je ne veux pas que tu me dises des sottises. » Laurent, « Tu m'as bien dit que j'étais bête. Pourquoi ne te dirais-je pas que tu n'as pas d'esprit? C'est beaucoup moins que d'être bête. » Félicie, « Il n'y a pas moyen de causer avec un imbécile comme toi. » Laurent, « Pourquoi cela ? » Félicie, « Parce que ce que tu dis est si bête qu'on ne sait pas comment y répondre. » Laurent. « Tiens, mais ce n'est pas si bête alors, puisqu'un grand esprit comme le tien ne peut pas me répondre. » Félicie. « Clodoald, Cunégonde, aidez-moi, je vous en prie, à faire taire ce méchant gamin qui a 4 ans de moins que moi et qui veut me tenir tête. » Cunégonde. « Si nous pouvions faire cesser les rires de tous ses amis, ce serait mieux encore. » Laurent prend Anne par la main, repousse ses amis contre la table de friandises et se place devant eux avec Anne en criant. « Essayez donc, tâchez de nous faire taire, vous verrez si c'est facile. » À nous tous, nous vous rosserions, et nous n'en ririons que mieux. » Clodoald, piqué. « Si vous croyez que nous allons nous compromettre avec ces enfants de rien ?» Laurent. « Rions, mes amis, rions. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. » Tous rient. Cunégonde en colère. « Et si vous croyez que nous daignons nous fâcher contre ces petits gueux ?» Laurent. « Rions. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. » Tous rient. Clodoald, furieux. « Et si vous croyez que vos rires sont spirituels ?» Laurent. « Ils sont jaloux, mes amis. Rions. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. » Rire plus prolongé. Cunégonde. « Ils sont à fouetter, en vérité. » Laurent. « Mademoiselle Cunégonde, faites venir le cheminot. Il rêvera tout haut. Rions. » Rire de plus en plus éclatant. Clodoald, Cunégonde et Félicie deviennent pâles de colère. Clodoald s'élance d'un bond sur Laurent, qui roule par terre. Germain se jette entre lui et Clodoald, qui le repousse. Clodoald, âgé de 14 ans et beaucoup plus grand que Germain, le repousse à son tour. Laurent se précipite sur Clodoald. Anne lui pince les jambes. Clodoald crie et se débat. Les autres enfants s'enhardissent et arrivent successivement au secours de Laurent, d'Anne et de Germain. Cunégonde et Félicie accoururent pour défendre Clodoald. Au milieu de cet engagement arrivent le général et le cheminot. Le général saisit Clodoald par les cheveux et le tire un peu rudement en arrière. Clodoald hurle, Cunégonde crie, Félicie pleure et appelle au secours. Le cheminot, croyant qu'elle est attaquée, la saisit dans ses bras et l'emporte à quelques pas plus loin. Félicie se figure qu'il veut l'enlever et lui abîme la figure à coups de poing et à coups d'ongle. Le général envoie Clodoald rouler à 10 pas d'un coup de pied bien visé. Il chasse Cunégonde qui se jetait sur Laurent et sur Anne. Le général. Bon, voici le terrain déblayé. Pas de tués, pas de blessés. Qu'est-ce qui est arrivé? Anne. C'est Félicie, Cunégonde et Clodoald. Le général. Qu'ont-ils fait? Laurent. Félicie a fait l'orgueilleuse avec ces pauvres garçons qui sont très bons. Elle a dit que le dessert était une saleté, que mes amis étaient des imbéciles. Clodoald a dit qu'ils étaient des gueux. Ils ont dit je ne sais quoi encore. Et moi, j'ai voulu défendre mes amis qui n'osaient rien dire. Et Clodoald a voulu nous battre parce que nous rions. Et Germain est venu à mon secours. Mais comme il est petit comme moi, Clodoald l'a jeté par terre. Il voulait le battre. Anne, moi, je lui ai pincé les mollets. Laurent, alors je me suis relevé et les autres sont venus à notre secours. Et puis vous êtes arrivé, mon oncle, ce qui est bien heureux. Le général. Oui, je causais avec mon brave Georges Dillois, le cheminot. Ta bonne, qui vous avait quitté un quart d'heure avant pour prendre les ordres de ta maman, a entendu du bruit, et nous sommes venus par ici pour voir ce que c'était. La voilà qui arrive tout justement, et voici Félicie qui débusque par l'autre côté. Tiens, elle est accompagnée par Dillois. D'où viens-tu donc en si bonne compagnie, Félicie? Félicie. Je cherche maman et ma bonne. Je veux m'en aller. Le général. T'en aller? Mais on n'a pas encore commencé à danser. J'entends le violon qui se prépare. Laurent. On va danser, on va danser. Venez vite, mes amis, venez tous, on va danser. Anne. Je veux danser avec Germain. N'est-ce pas, Germain? Tu vas danser avec moi. Germain. J'en serai bien content, mademoiselle. Le général. Moi, je danse la première contredanse avec la mariée. Et toi, Dillois, n'oublie pas que tu danses avec ma sœur. Laurent. Félicie danse avec Clodoald. Dillois. Et mademoiselle Cunégonde? Laurent. Eh bien, avec moi, et puis j'en prendrai d'autres. Félicie alla rejoindre sa mère et lui dit qu'elle voulait s'en aller. Madame Dorvillet. Pourquoi donc cela, ma fille? Félicie. Parce que ce vilain cheminot m'a prise dans ses bras pour me préserver de la bataille, disait-il. Moi, je ne veux pas qu'il me touche. C'est un vilain homme que je déteste, et je ne veux plus le voir. Madame Dorvillet. Écoute, Félicie, la haine que tu lui témoignes est très coupable. Ce pauvre homme a voulu te rendre service, j'en suis sûre. Il est si désolé et si honteux de ce qui lui est arrivé avec toi qu'il cherche toutes les occasions possibles de se rendre utile pour se faire pardonner. Félicie, rougissant. Je suis bien fâchée que vous sachiez ce qu'a osé faire ce misérable. Quelqu'un vous l'a dit pour que vous puissiez le savoir. Madame Dorvillet. Non, ma pauvre fille, personne ne le sait. C'est le cheminot lui-même qui me l'a raconté en me demandant pardon, presque en pleurant. Sois sûre qu'il ne le dira à personne au monde et qu'il sera bien heureux d'avoir ton pardon. Félicie. Il ne l'aura pas. Je ne lui pardonnerai jamais. Madame Dorvillet. C'est bien mal, Félicie, de conserver de la rancune dans ton cœur. Tu te laisses aller à un mauvais sentiment. Tâche de te vaincre là-dessus. Nous partirons à la fin du jour. Jusque-là, essaye de t'amuser. Va joindre ta bonne. Moi, il faut que je danse 3 ou 4 contredanses, après quoi je me reposerai près des vieux robillards. Félicie s'éloigna sans répondre, cherchant en vain les Castelso, qui étaient repartis furieux, et finit par s'asseoir près de sa bonne, qui alla danser à la même contredanse que les petits, mais qui, dans les intervalles, revenait prendre sa place. « Voulez-vous venir danser, mamselle ? » dit un des moutonnets. « On va commencer un beau galop. »« Je n'ai pas de danseur, » répondit sèchement Félicie. Moutonnet second. « Je viens vous inviter, mamselle. » Félicie. « Je ne danse pas avec les paysans. » Moutonnet second. « Tiens, pourquoi cela ? » Félicie. « Parce que cela ne me plaît pas. » Moutonnet second. « Ce n'est pas gentil ce que vous dites là, mamselle. » Félicie. « Je n'ai pas besoin de vos leçons. Laissez-moi tranquille. » Moutonnet second. « Bien volontiers, mamselle. C'est mon frère qui m'avait dit d'aller vous inviter. Moi, je voulais danser avec la Michelette, pourvu qu'elle ne soit pas prise à présent. » Moutonnet second courut à Michelette, qui, heureusement, n'était pas encore engagée. Félicie resta assise, grognant et boudant. Après le galop, qui dura longtemps, parce que tout le monde s'en amusait beaucoup, Amanda vint savoir pourquoi Félicie n'avait pas dansé. Félicie, maussadement, « Je n'avais pas de danseur. » Amanda, « Comment ? Je vous avais envoyé Moutonnet, Albert, mon beau-frère. » Félicie, « Je l'ai refusé. » Amanda, surprise, « Pourquoi donc cela, mademoiselle ? » Félicie, « Parce que je ne danse pas avec les paysans. » Amanda, « Vous êtes donc plus grande dame que votre maman, qui danse avec tous nos garçons, et votre oncle danse bien, lui aussi, avec nous autres, filles. » Félicie, « Je suis ce que je suis, et je n'ai pas besoin de vos conseils. » Amanda, Moi, je croirais que vous en avez besoin, mamselle, et moi qui ne suis pas une grande dame bien éduquée, je ne ferai pas tout ce que vous faites depuis ce matin. J'accepterai de bon cœur ce qui m'est donné de bon cœur, et je ne me ferai pas un plaisir d'humilier le monde, comme vous l'avez fait, pour mes beaux-frères et pour d'autres. Félicie. Vous êtes une insolente. Vous oubliez qui je suis. Amanda. Ah, pour ça, non, je ne l'oublie pas. Et si je l'oubliais, vous me le rappelleriez bien vite. Vous êtes tout l'opposé de votre maman, de votre oncle, de Monsieur Laurent et de Mademoiselle Anne. Aussi tout le monde les aime bien, eux, et chacun de nous se jetterait au feu pour eux. Félicie. Ce qui veut dire que vous ne le feriez pas pour moi. Amanda. Ah, ma foi, non. On vous laisserait vous en tirer toute seule, et on aurait raison. Félicie. Je ne veux pas que vous me disiez d'impertinence. Laissez-moi. Amanda. Avec plaisir, mamselle, et je m'en vais raconter à toute la noce les gentillesses que vous nous dites et que vous nous faites. 14. Félicie se radoucit. Amanda s'était retirée. Elle tint fidèlement sa promesse. Elle alla de groupe en groupe, de garçon en garçon. Chacun se retournait et regardait Félicie d'un air narquois. Les danses continuèrent sans que personne s'approchât d'elle. Laurent, Anne et même la bonne s'amusaient, sautaient, riaient. Monsieur d'Alban partageait la gaieté générale. Madame d'Orvillet causait, se rendait aimable et gracieuse pour tout le monde. Toute la jeunesse se livrait à la joie. Félicie, seule, abandonnée de tout le monde, avait un air ennuyé. Sa figure exprimait le dédain et personne ne s'aventurait à lui parler ni même à l'approcher. Madame d'Orvillet, qui ne la perdait pas de vue, avait observé et deviné ce qui s'était passé. Deux ou trois fois, elle voulut s'en aller pour emmener Félicie, mais les vieux Robillard lui demandèrent si instamment de rester encore un peu de temps qu'elle n'eut pas le courage de leur refuser. Depuis que Félicie était seule sans parler à personne, Madame d'Orvillet était plus tranquille. Au moins, pensa-t-elle, son orgueil ne blessera plus ces pauvres gens. Elle a si bien fait l'impertinente avec Amanda que tout le monde en est informé et qu'on ne veut plus s'y risquer. La bonne regardait de temps en temps du côté de Félicie. La voyant à sa même place, elle donna ses soins aux deux petits qui galopaient, qui dansaient, qui mangeaient, buvaient et s'amusaient comme des rois. Chacun s'occupait d'eux, les admirait, les embrassait. Ils ne s'étaient jamais tant amusés. Le cheminot avait été pris pour aider au service. Il versait à boire, rinçait les verres, lavait la vaisselle et rendait tous les bons offices en son pouvoir. Lui aussi jetait de temps en temps un coup d'œil sur Félicie. Il entendait ce qu'on disait d'elle autour de lui, et il aurait bien voulu qu'elle fût autrement, mais il n'osait pas s'approcher d'elle, encore moins lui parler. Il sentait qu'elle lui en voulait toujours, et il ne cessait de se reprocher son aventure avec elle. « Madame est bien bonne de me l'avoir pardonnée, se disait-il, et ce bon monsieur d'Alban qui m'en a parlé aussi sans colère, c'est qu'il me plaignait au lieu de me gronder. Il m'a bien recommandé de ne jamais me laisser aller à boire. Et bien sûr, je ne recommencerai pas. J'ai eu trop de chagrin d'avoir été pris de vin ce jour-là pour recommencer une chose pareille. Cette pauvre petite demoiselle me déteste-t-elle et de penser que c'est la nièce de ce bon monsieur le comte. C'est ça qui me chagrine le plus. » Que puis-je faire, mon bon Dieu, pour me rapatrier avec elle? C'est qu'elle a une manière de vous regarder et de vous parler qui n'encourage pas. Ça vous glace, malgré vous. Bon, j'ai une idée. Dilois dit quelques mots à voix basse à M. d'Alban, qui venait demander un verre de cidre. Tu crois? Lui répondit le général. Je pense que oui, monsieur. La pauvre petite demoiselle s'ennuie parce qu'elle n'a pas de danseur. Et si vous vouliez bien la faire danser, elle serait bien contente, j'en suis certain. « C'est facile à faire, je vais voir. Félicie, que fais-tu donc là, toute seule ?» s'écria le général qui s'approchait d'elle. « Tu n'as pas l'air de t'amuser. Viens par ici, on va commencer un galop monstre. Je serai ton danseur si tu n'en as pas. »« Je veux bien, mon oncle, » dit Félicie en se levant. La musique commença un galop. Les danseurs se précipitèrent sur leur danseuse pour ne pas perdre une minute de plaisir. Le général enleva Félicie et tous les couples, violons en tête, partirent en courant, tournant, riant. Ils furent hors de vue en un instant. Laurent, Anne, la bonne, tout le monde en était. Madame d'Orvillet resta seule avec les vieux Robillard et d'autres amis de leur âge. « Bon, je les fais partir tout de même !» s'écria le cheminot en se frottant les mains. « Madame d'Orvillet, qui avez-vous fait partir, mon bon Dilois ?» Dilois. « Mademoiselle Félicie, qui ne dansait pas, madame. Son oncle l'a enlevée, les voilà qui galopent, tout comme les autres. » Madame d'Orvillet. « Ah, c'est vous ! Je vous en remercie, Dilois. » Mère Robillard. « Que madame ne croit pas que mademoiselle Félicie ait manqué de danseurs si elle avait voulu les accepter. Nous ne l'aurions certainement pas laissée dans l'oubli. C'est qu'elle en avait refusé et on n'a plus osé. » Madame d'Orvillet. Je le sais bien, ma bonne mère, Robillard, et je suis bien aise que vous me donniez l'occasion de vous dire combien je regrette que ma fille se soit si mal comportée aujourd'hui. Je l'ai bien vue, sans que personne s'en fût plaint, mais j'espère que vous ne lui en voudrez pas. Mère Robillard, oh, madame, nous n'avons rien à pardonner. Nous savons qu'un enfant est un enfant, et qu'on ne peut pas exiger d'un enfant la raison d'une personne faite. Madame d'Orvillet, je le sais, mais il y a certains défauts qui sont plus pénibles que d'autres, et j'en souffre pour Félicie autant que pour les personnes qu'elle blesse. Mère Robillard, mademoiselle Félicie ne nous a pas blessés, madame. Sans la famille du château de Castelsau, que mademoiselle Félicie a voulu imiter, on n'aurait eu rien à dire. Madame d'Orvillet, je l'espère, mais j'espère aussi qu'elle ne recommencera pas et qu'elle verra peu cette famille à l'avenir. Tout le monde garda le silence et madame d'Orvillet attendit patiemment le retour du galop. Ce ne fut qu'une demi-heure après qu'on entendit les sons lointains du violon et un bruit semblable à une charge de cavalerie. Ce bruit grandit de minute en minute et enfin apparut le galop dans un tourbillon de poussière. Il arriva comme une avalanche dans la prairie où se faisait la noce. Musiciens et danseurs tombèrent exténués sur l'herbe, haletants, en nage, ne pouvant ni bouger ni parler. 5 minutes après, tout le monde fut sur pied, prêt à recommencer. Un souper attendait la société. Mais il se faisait tard, les enfants n'en pouvaient plus, et madame d'Orvillet déclara qu'il fallait partir. « Quel dommage !» s'écria Félicie. « C'était si amusant, et je n'ai dansé qu'une fois !»« Madame d'Orvillet, si tu avais commencé plus tôt, tu aurais dansé, comme les autres, 15 ou 20 fois. Il est tard, Laurent et Anne sont à bout de force. Il faut nous en aller. Sais-tu, mon frère, si la voiture est arrivée ? Je l'ai fait demander il y a 1 heure à peu près. » Le général. « Oui, elle est là. Je l'ai vue sur la route, en revenant. » Madame d'Orvillet. « Alors, partons. Faites vos adieux, mes enfants, et remerciez bien des soins qu'on a eus de vous. » Les enfants embrassèrent à droite et à gauche. « Adieu, Marthe. Adieu, Aloïs. Adieu, Célina. Adieu, Romain. Adieu, Germain. Adieu. Adieu. » etc., etc. « Adieu, monsieur Laurent. Adieu, mademoiselle Anne. » répondaient des petites voix de tous côtés. Personne ne dit « Adieu, mademoiselle Félicie. » Adoucie par le plaisir du galop, elle le sentit et en eut un léger regret. « Au revoir et pas adieu, mon brave Dillois !» cria le général. « Viens donc que je te serre la main !» Le bon cheminot accourut, tout joyeux. Madame d'Orvillet lui dit aussi un adieu amical. À la surprise générale, Félicie lui tendit la main et dit « Adieu, Dillois, je vous remercie !» Avant de monter en voiture, M. d'Alban embrassa Félicie. « Tu veux donc devenir une bonne fille ?» lui dit-il. « Je tâcherai, mon oncle, » répondit Félicie. Quant au pauvre cheminot, il avait fortement serré de ses deux mains celles de Félicie et lui avait dit d'une voix émue « Oh, mademoiselle, que vous êtes bonne, que je vous remercie !» La voiture s'éloigna. Quand on arriva, Anne dormait si profondément que sa bonne la prit, la déshabilla, la coucha sans qu'elle ouvrît les yeux. Laurent ne dormait qu'à moitié, il y voyait encore un peu. Sa maman l'aida à se déshabiller, à faire une très courte prière et à se coucher.